Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture qui sera un peu plus sanglant que les précédents épisodes parce que nous allons côtoyer la mafia albanaise avec Bloody Mafia de Sébastien Passy aux éditions Territoire Témoin. Bonjour Sébastien. Bonjour Sarah. Je suis trop contente, ravie que tu sois revenue dans Caprice de lecture. C'est toujours un vrai bonheur d'échanger avec toi et de faire découvrir aux auditeurs eh bien, toutes les cordes à ton arc. Et là, tu reviens avec un roman policier-thriller, on peut l'appeler comme ça, oui. Dans les méandres du polar tel que je les aime, écrit à la française. Je n'aurais jamais imaginé que tu écrives ce genre de livre. Je te le disais hors antenne et je le répète à l'antenne. Alors Sébastien, évidemment, je vais te cuisiner avec 5 questions pour tout savoir sur Bloody Mafia, parce que à travers ce polar, tu abordes également aussi des questions beaucoup plus générales et des questions presque de société, voire même de santé publique. Mmh. Alors on va commencer avec une première question. Effectivement, je te retrouve dans un registre étonnant, le polar. J'aurais jamais imaginé que tu aurais écrit ça. Pourquoi d'un seul coup tu sors de ta zone de confort? On t'a connu avec plein d'autres choses. Tu sors de ta zone de confort complètement et tu nous proposes un très très bon polar. Pourquoi? Alors, bon, déjà te dire que c'est un plaisir partagé que de venir te parler par les auditeurs de Fadjet. Pourquoi? Ben, je ne sais pas si tu te souviens, mais déjà dans le troisième tome de la trilogie, Ce roman-là était déjà un peu plus sombre, plus psychologisant, on allait plus en profondeur dans la psychologie des personnages, et j'avais envie de développer un petit peu ce registre-là, et comme j'avais décidé vraiment de mettre un terme à cette trilogie, voilà, de tourner la page véritablement, rien de tel que d'entrer dans un genre complètement différent, où on est dans un roman là vraiment noir, profond, avec des questions sociétales. Là où la trilogie s'est allée sur 2 siècles et demi, là, l'histoire se concentre sur 3 jours, avec des personnages hauts en couleur, où il y a un petit peu de violence, si je peux dire. Un petit peu de violence. et puis des questions voilà, qui me tenaient à cœur aussi, voilà, comme tu l'évoquais, des questions de société qui étaient importantes pour moi. Mais du coup, ça devient comment l'idée d'écrire ça? C'est-à-dire, est-ce que... Alors écoute, c'est une question qu'on me pose et du fond du cœur, je ne sais plus du tout comment ça m'est venu. Alors certainement, comme je le dis toujours, c'est certainement en promenant mon chien, en écoutant la radio. Ça aide beaucoup, promener le chien. Exactement. Énormément, je confirme, ça aide énormément. J'ai dû entendre une information sur une campagne pour le sang, et ensuite ça a maturé, l'histoire a maturé, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas imaginer un sang rare, vraiment, donc j'ai fait mes recherches, comme toujours, et j'ai découvert l'existence de ce sang bombé. Hein, une personne sur 1 million en Europe, et qui a besoin d'avoir ce sang-là, si besoin d'une transfusion. Oui. Donc je me suis dit, bon, ça peut intéresser peut-être des mafias. Tout part du sang bombé. Le sang bombé. Ouais. Alors, moi, j'ai aussi relevé quelque chose dans ce roman, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet et du personnage principal. Souvent, les titres de tes chapitres sont des extraits ou des phrases de chansons. C'est ta petite touche perso. C'est ma petite touche perso et c'est toujours mon clin d'œil amusé avec le lecteur. Tu sais que j'aime beaucoup m'amuser avec le lecteur. Oui, mais du coup, on est un peu surpris parce que premier chapitre, moi je me dis, oh, c'est peut-être le hasard. Deuxième chapitre, je me dis, oh, quand même, c'est bizarre. Troisième chapitre, je dis, oh non, c'est pas possible. Non, alors pour tout te dire, pour rentrer un peu dans la cuisine de l'écriture, le titre initial n'était pas Bloody Mafia. C'était le titre d'une chanson. C'était 100%. Ouais. Et donc, puisque ce titre était 100%, j'ai décliné cette idée de donner à chaque chapitre soit le titre d'une chanson, soit un extrait de cette chanson. Et quand on a décidé avec l'éditeur de changer le titre du livre, j'ai voulu garder quand même ce petit clin d'œil parce qu'il y a un décalage presque malaisant entre le titre du chapitre et son mais contenu. Mais un décalage qu'on savoure quand même. Voilà. Parce que plus c'est gros, on va dire, le titre, et plus on se dit, mais qu'est-ce qui nous réserve après, quoi. Exactement. En plus, tu l'écris, moi j'aime bien, c'est-à-dire que tu termines un chapitre J'ai dit, mais je ne peux pas en rester là. T'es obligé de continuer. Oui, ben c'est des cliffhangers. Enfin, j'écris vraiment les livres comme on peut voir une série, en quelque sorte. Et les histoires, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Oui. Et donc, on reste un peu en suspens sur une partie de l'histoire et une autre. Oui, parce qu'au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Je ne vais pas spoiler, mais il y a ce monsieur qui prend l'ascenseur comme tous les jours, 7 jours sur 7, à la même heure. D'un seul coup, il voit un espèce de ballon rouge qui se déforme, on ne sait pas trop, voilà. Deuxième chapitre, on a un autre personnage, mais on sent bien, tu nous emmènes tout de suite, que tout ce beau monde va se retrouver autour de la même chose, mm-hmm. ou de la même cause, où là, je ne dis pas plus. Mm-hmm. Voilà. J'aime pas dévoiler trop, parce qu'après, on n'a plus envie de lire. Oui, il faut toujours garder... Cette surprise du départ, effectivement, on est un peu perdu au départ, parce qu'on se demande ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas... Même au niveau du genre, est-ce que c'est un roman policier, un roman un peu fantastique, un petit peu... Voilà, on ne sait pas trop... Et on est vite quand même plongé dans l'horreur de l'histoire. Tu nous mets dans l'ambiance dès la fin du premier chapitre. Tout à fait. Voilà. Et là, tu ne nous lâches plus. Alors, on va faire une première coupure, Sébastien, une coupure musicale de ton choix avec Zucchero. Ouais. Une chanson qui s'appelle Le Père Kolpadiki. Ok. C'est une chanson qui me met la pêche. Quand je suis un petit peu plof. Elle t'accompagne etc. en écriture Elle, ou pas? Alors, jamais. Moi, j'écris en silence. T'écris dans le calme absolu. Voilà. Mais une fois que j'ai terminé d'écrire, j'adore écouter de la musique. Et cette chanson-là, j'adore. Et bouger, tu la partages avec nous. Et je la partage avec vous avec Super. Grand plaisir. Et on revient juste après. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, en compagnie de la mafia albanaise de Bloody Mafia et de son auteur Sébastien Passy. Sébastien, comment vas-tu ? Mais toujours très très bien quand je suis avec toi. Ah oh, super, c'est gentil. Alors Sébastien, Mirjan Oksa. Ouais. Personnage haut en couleur, figure emblématique de la mafia albanaise avec tout ce qu'elle est capable de faire. Ouais. Mirjan a été, parce que le livre commence, donc Mirjan est dans une voiture et puis on l'envoie en mission avec des acolytes. Ouais. Donc on est vraiment plongé, on imagine, et puis en plus tu le décris vachement bien, c'est le gars hyper carré, ouais. Pas forcément souriant, qu'on n'a pas envie de croiser dans une rue sombre. Il est presque caricatural. Moi, j'ai lu d'autres auteurs qui parlaient justement de la mafia albanaise, où on retrouve toujours la même caricature. Je veux dire, les gars, ils se sont fait amputer de la bonne humeur, ils ont trois flingues sur eux, enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Comment t'es venu ce personnage ? Alors déjà, c'est extrêmement jouissif d'avoir imaginé un personnage qui est si, si brutal, violent. Il insulte tout le monde, il insulte que ce soit monde. En français ou en albanais. Il ne supporte pas la frustration, non. Donc la moindre frustration, il désingue, ah bah, il désingue la personne. Voilà. Toutes les trois pages, il y en a un au moins. Voilà. Mais si on y prête un tout petit peu attention, ouais. Ce personnage, il a quand même, c'est ce que j'ai voulu dire, il a une once d'humanité. On le comprend à la fin. Oui. Voilà, donc c'est un monstre, véritablement, c'est un monstre, et on le comprend vraiment... C'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages, on voilà. Le comprend à la fin, où c'est vraiment le paroxysme de l'horreur. Oui. Mais il a quand même, à un moment donné, voilà, montré qu'il a quand même un cœur, alors certes enfoui sous une carcasse d'horreur d'immondices, mais bien enfoui, hein. Bien enfoui. Mais c'est un personnage caricatural, mais je pense véritablement que la mafia albanaise, elle est considérée comme étant l'une des plus violentes, oui. Hein, oui. Au monde. Je pense que véritablement, ça pourrait être un membre d'un clan de la oui. Mafia sans problème. Enfin, ouais. Véritablement. Mais tu t'es inspiré d'images ou d'éventuels héros de série de... Alors tu vois, non, on peut je imaginer l'ai vraiment ça. Imaginé, mais ce dont je me suis inspiré pour la mafia, les policiers italiens ont réussi à infiltrer la 'ndrangheta napolitaine. Ouais. Ils ont réussi à mettre des micros dans une salle où il y avait une cérémonie d'initiation d'un nouveau membre. Et donc, j'ai réussi à obtenir ces enregistrements. Et par exemple, la première scène où il y a cette initiation oui. Dans le clan oui. de la mafia albanaise, elle est véridique. Alors, ce n'est pas la mafia albanaise qui développe ce rituel-là, c'est mais la 'ndrangheta albanaise, mais ça existe. Et alors, Mirjan Oksa, il n'en est pas à son coup d'essai, c'est-à-dire qu'ils viennent ouais. Le chercher. Ah, il sort de prison. Ils savent à qui ils ont affaire, il sort de prison. Oui, on l'a fait sortir de prison, enfin, voilà. De haute sécurité à Burel. Il a incarné long comme le bras de méfaits, ouais. Ou que sais-je encore. Ouais. Et il est recruté pour récupérer un sang rare mm-hmm. Avec des acolytes. Je voudrais qu'on y vienne, j'aimerais bien qu'on parle de ce sang mm-hmm. Bombé. Mm-hmm. Parce qu'au-delà de la cause du don du sang, qui pour moi est une cause de santé publique, ouais. National, voire oui. Même mondial, on pourrait oui. Presque dire oui. Mondial, ce sang bombé a une particularité. Est-ce que tu peux nous en parler, Sébastien ? Alors, ce sang bombé, bon, sans rentrer dans les, oui. Dans les descriptions vraiment médicales, est un sang qui est extrêmement rare, puisqu'il y a très peu de personnes dans le monde qui le portent. Mais il y a d'autres types de sang rares, hein, il n'y a pas que le sang bombé. Oui. Hein. Là, c'est parce que c'est le cœur du livre. Oui, voilà. C'est le cœur du livre. Et donc, les personnes qui ont besoin d'une transfusion de sang et qui ont ce phénotype sanguin-là ouais. Ont besoin d'avoir ce sang-là. Sinon, ces personnes-là meurent. Enfin, voilà. Parce qu'il faut focaliser ce sang strictement compatible. Exactement. Et donc, il y a des réserves de sang rares. Hein. On a des réserves de sang, le A, le ouais. O, etc. Mais il y a aussi des réserves sécurisées de sang plus rares ouais. Dont on a besoin voilà, dans des circonstances exceptionnelles. Mais quand elles arrivent, elles sont extrêmement, extrêmement graves. Donc, comme moi, je suis incapable de donner mon sang. J'ai beau essayer de le donner, je suis hypochondriaque au plus haut degré. Donc, ça se termine la tête en bas, les pieds en haut, avec des baffes voilà, pour un me brancard, remettre un petit peu. Voilà. Oui. Bon, et même le sandwich à la fin ne fait rien pour voilà. Donc, c'est un appel. et donc, ne me demandez pas. J'ai beaucoup d'amis qui donnent leur sang, qui vont à la maison du don à Metz les vendredis, etc. Donc, ma contribution à moi, c'était aussi de parler de, ouais. de cette question-là et puis de reverser une partie des droits d'auteur oui. Aussi à la Fédération française du don de sang bénévole okay. Parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, faire un don gratuitement, enfin, gratuitement dans le sens évidemment, un don est gratuit, mais je veux dire sans savoir à qui on va Oui, le donner, à qui juste pourra servir. pour aider à une cause plus grande que nous. Exactement, je trouve ça très très beau et voilà, je voulais y participer modestement à ma manière. Eh ben, tu as très bien fait. Alors, ma quatrième question, mais tu as en partie répondu. La cause du don du sang. Alors, on a bien compris que pour toi, c'est pas possible de donner ton sang. Est-ce que c'est une cause que qui t'était chère ou que tu connaissais de manière plutôt importante, ou est-ce qu'elle est venue justement avec l'écriture du livre? Alors, je savais que c'était quelque chose de très sensible hein, au niveau Ouais. sociétal. Hein. Dans une autre vie, quand j'étais très jeune, j'ai fait des études de biologie, donc on était très sensibilisés Donc à hier, cette tu question. étais Donc très jeune, donc c'était hier, avant-hier, bien disons. sûr, voilà, d'accord. Mais non, j'étais pas plus sensibilisé que ça voilà, à cette cause. Ma grand-mère était donneuse de sang, Ouais. mais sans plus. Et c'est vraiment en écrivant ce livre et en me rendant compte qu'il y avait des périodes de grande pénurie de sang, et c'est souvent avant les périodes de grandes vacances, C'est la d'été. question que j'allais te poser parce qu'à un moment dans le livre, il y a un personnage qui est directeur d'un D'un Institut établissement français français du du sang sang, oui. qui est un peu en panique parce qu'il dit qu'il va devoir prendre un arrêté pour limiter les dons de Exactement, sang, parce exactement. qu'on est en bas des réserves. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou est-ce que c'est quelque chose que tu as imaginé? Moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ouais, mais en fait, si on donne pas assez notre sang, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu sais, chaque fois, cette frontière entre la réalité et la Ouais, fiction, oui, c'est mais quelque chose qui s'il te caractérise, plaît. mais... et je réponds jamais. Mais effectivement, il y a des directives pour la coopération européenne hein, sur Ouais. Qui peuvent être certains données sons. ou transmises, des directives comme ça qui disent. Alors, je peux Oui, pas, non, mais. ça fait partie de la fiction Ouais, d'accord. du livre. Très bien. Donc, on n'aura pas la réponse. Merci, Sébastien. Non, je rigole. On va faire une dernière coupure musicale, toujours de ton choix, avec Rita Mitsouko. Oui, Marcia Baila. Alors là, c'est aussi une chanson bah, qui parle d'un sujet grave, hein, le cancer, hein, Oui. puisque on parle d'une danseuse, Marcia Moreto, qui est morte à 36 ans d'un cancer du sein. Et voilà, c'est dans mon entourage, des personnes ont eu à subir voilà, ce malheur-là. Et je trouve que cette chanson-là, elle nous met dans un élan vital quand Ok. même. Et je trouve que c'est important de le garder quand on est confronté à des choses un peu difficiles. Donc on écoute Rita Mitsouko et on revient juste après pour le caprice de lecture de Sébastien. quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on tend en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendre, sans la mort. C'est comme une chose impossible. Et pour toi qui es la vie, mais Mathia. Et même à toi qui es forte comme une fusée. C'est la mort qui t'a abandonné. Caprice de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Sébastien Passy pour son dernier roman Bloody Mafia aux éditions Territoire Témoin. Sébastien, je vais te laisser la parole pour ton caprice de lecture et puis après tu nous parleras un petit peu de ton actualité sur les réseaux, les salons, etc., etc. Vas-y, la parole Super. Est à toi. Alors mon caprice de lecture, alors c'est un caprice de lecture... vraiment un coup de cœur d'une autrice mosellane qui s'appelle Sarah Crossi, qui est médiathécaire, mais aussi correctrice. Okay. Voilà, les médiathécaires à Beauce, où elle a organisé dimanche dernier d'ailleurs un salon qui a très très bien marché, très très sympathique. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Quand les étoiles brûlent en plein jour ». C'est un livre donc chez Librinova, qui est déjà extrêmement bien écrit sur un sujet extrêmement original, puisque une adolescente reçoit un cadeau complètement hors du commun, sous la forme d'une étoile. Et cette étoile, en fait, c'est son échappatoire, puisqu'elle peut, le temps d'un périple imaginaire, eh bien, devenir qui elle veut, aller où elle veut, etc. Je veux bien la même. Et cet enfant a une mère qui est extrêmement autoritaire. Alors, quand je dis ça, c'est une mère qui est même très dysfonctionnelle comme mère. Un peu maltraitante. Très maltraitante. Okay. On est vraiment entre Vipère au Point, Black Mirror. Enfin, ah oui, c'est, on est... D'accord. Voilà, Vipère au Point, moi, c'est ça du me parle. Top niveau, quoi, ok, voilà. D'accord. Et donc, ça permet de nous interroger sur la question de l'intelligence artificielle, sur la question du rapport à la mort... c'est vraiment, alors c'est très lumineux, c'est très très bien écrit, c'est son premier roman et j'avais envie de lui donner un petit coup de pouce parce que c'est une autrice que je suivrai avec intérêt. Et c'est bien que tu en parles parce qu'on le disait hors antenne, elle m'a envoyé également son roman et j'ai trouvé ça trop cool, elle m'a mis des petits chocolats, elle a dû voir que j'aimais bien le chocolat et je lui ai proposé de me l'envoyer pour pouvoir après la faire venir justement dans les caprices de lecture. Parce tu verras, ça serait une belle rencontre. J'aime bien mettre en valeur, enfin voilà, c'est l'ADN de caprices de lecture, mettre en valeur des auteurs de notre région, c'est très important. Et nous te savons gré, ça. Merci beaucoup. Sébastien, pour terminer, peux-tu nous parler un petit peu de ton actualité sur cette période 2025, pas l'été, les salons, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, on peut me retrouver donc sur Facebook et puis Instagram. Sébastien Passy, on retrouvera ma trogne sans difficulté. Est-ce que tu réponds aux demandes? Ah, je réponds toujours aux demandes. Voilà, très important que les auditeurs sachent. Oui, et puis je réponds aux messages qu'on m'envoie. Bon, c'est pas comme si j'étais assailli de messages non plus. Hein, je suis pas encore. C'est pas Guillaume Musso. Ça va venir. Voilà. Après ton passage là, ça va venir. Bien sûr. Et puis, prochainement, je serai à la petite librairie de Clouange pour un apéro rencontre. Ce sera quand ça? En Moselle, le vendredi prochain, vendredi 28 mars. Et ensuite, on enchaîne avec le salon Le Livre à Metz, les 4, 5, 6 avril. Tu fais les 3 jours là-bas? Je fais les 3 jours, c'est le plaisir de rencontrer les lecteurs. Enfin, vraiment, moi, j'adore ça. C'est un salon qui marche pas mal en plus. C'est un salon très très sympa, avec une très belle programmation. À taille plutôt humaine en plus, mais qui marche plutôt bien, pour y avoir été quelques fois, c'est pas mal. Et avec une belle programmation, vraiment, c'est très sympa. Ok. Et ensuite, j'aurai quelques salons à Toul, à Forbach, Voilà, j'ai plus tout en tête, mais voilà, je vais m'abonner jusqu'à Nancy. De beaux week-ends en perspective. C'est d'excellents week-ends quand on rencontre bien. Les gens. Oui. Super. Merci beaucoup, Sébastien, merci d'avoir beaucoup été toi, parmi nous. Je rappelle le titre de ton dernier roman, Bloody Mafia, que je conseille pour les amateurs de thrillers un peu trash et même pour ceux qui auraient envie de découvrir. C'est franchement très bien. Aux éditions Territoire Témoin, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Merci, plaisir partagé. Merci et à très bientôt. Au revoir.